Le bouddhisme au Tibet, précédé du résumé des précédents systèmes bouddhiques dans l'Inde, par Émile de Schlaginweit, traduit de l'anglais par Monsieur de Miloué. Chapitre 8. Littérature sacrée, ouvrages traduits du sanskrit et livres écrits en tibétain, les deux recueils du Kanjur et du Tanjur, littérature tibétaine en Europe. Analyse du Manikamboum. Nom et représentation de Padmapani. Les premiers livres religieux publiés en tibétain sont de simples traductions du sanskrit entreprises par des prêtres indiens, des traducteurs tibétains, le Tsava, et aussi des chinois. L'œuvre de traduction fut menée avec un zèle et une énergie remarquables. Afin d'arriver à l'uniformité, on prépara un vocabulaire des noms propres sanskrits et des expressions techniques et philosophiques qui se rencontrent dans les textes originaux, et il fut ordonné de s'y conformer. Note. Les premiers commencements de cette entreprise datent peut-être du temps de Srong Tsangampo et de Thumi Sambodha. Ce vocabulaire existe encore en 3 éditions, qui varie suivant le plus ou moins grand nombre d'expressions qui y sont contenues. Celui de taille moyenne fut composé au temps de Ralpachenu Kiral, qui régnait au IXe siècle, il est compris dans le Tanjur. Confère Wilson. Fin de la note. Mais il est regrettable que les traducteurs, au lieu de nous fournir des versions correctes, et entremêler les textes de leurs propres commentaires, afin de justifier les dogmes de leurs diverses écoles. À ces altérations des textes originaux et de l'obscurité qui a si longtemps enveloppé le sujet et empêché l'intelligence claire des principes du bouddhisme primitif et de ses divisions subséquentes. En même temps que se formait l'alphabet tibétain, des livres se composaient dans la langue nationale. Le Manikamboum, ouvrage historique attribué à Srong Tsangampo, est l'œuvre d'un tibétain, l'introduction grammaticale et les lettres caractéristiques de Thumi Sambodha, ainsi que les ouvrages historiques sur le Tibet, écrits par les anciens traducteurs tibétains, paraissent avoir été composés en langue vulgaire. Ainsi que Soma, dans son écrit sur les livres d'histoire ou de grammaire du Tibet, ne cite pas les titres sanskrits de ses livres, ainsi qu'il le fait toujours quand il s'agit de traduction du sanskrit. Depuis le XIVe siècle, la littérature nationale, qui commence avec Tsongkhapa, se développe sur une large échelle. Tsongkhapa lui-même publia des ouvrages systématiques très volumineux. Ses œuvres principales sont le Bodhimur, le Tarnimur, l'Altanrik et le Lanrim, un degré en avant, titre qui a été pris également par d'autres auteurs. Plusieurs savants tibétains employèrent aussi la langue vulgaire dans la composition de leurs nombreux commentaires sur les dogmes et l'histoire du bouddhisme. Ils furent suivis même par les Mongols, obligés d'apprendre le tibétain, parce qu'il était, alors comme aujourd'hui, la langue sacrée du service divin. Toutes les traductions du sanskrit ont été réunies, en forme de recueil, en 2 livres grands et volumineux, qui contiennent, dans un mélange irrespectueux, les publications sacrées et profanes de différentes époques. Ces recueils portent le nom de Kanjur, traduction des commandements, du Bouddha, et Tanjur, traduction de la doctrine. Le Kanjur comprend 108 grands volumes, classé dans les 7 divisions suivantes. 1. Dulva, ou discipline. 2. Cherchin, ou sagesse. 3. Palchen, ou association des Bouddhas. 4. Kontseg, ou montagne de joyaux. 5. Do, sutra, ou aphorisme. 6. Myangda, traitant de la doctrine de délivrance par l'affranchissement de l'existence. 7. Jyut, tantra, traitant du mysticisme. Chacune de ces divisions se compose d'un plus ou moins grand nombre de traités. Le Kanjur passe pour renfermer la parole du Bouddha, car il contient principalement les doctrines morales et religieuses enseignées par Sakyamuni et ses disciples. Le Tanjur forme 225 volumes, divisés en deux grandes classes, Jyut et Do. Il est beaucoup plus mélangé. Il contient des traités sur les diverses écoles philosophiques avec différents ouvrages sur la logique, la rhétorique et la grammaire sanscrite. Plusieurs volumes traitent des mêmes sujets que le Kanjur. Les principaux ouvrages qui forment ces collections ont été traduits vers le 9e siècle, d'autres, principalement ceux du Jyut, beaucoup plus tard. Par exemple le Kaila Chakra, ou 12 Kikorlo, contenu dans ce dernier, ne fut pas connu au Tibet avant le 11e siècle. Aussi n'est-il pas douteux que la traduction du Do n'ait encore occupé une plus longue période de temps en raison de la plus grande variété de son contenu. Bien qu'il soit impossible de déterminer positivement l'époque à laquelle ces deux recueils furent compilés, il est cependant fort probable que la composition actuelle des volumes n'est pas antérieure au siècle dernier. Des recueils semblables ont pu exister plus tôt, mais il est douteux que ce fussent exactement les mêmes. Nous devons à Xoma de Koros un extrait du Kanjur et du Tanjur. Son analyse a été résumée par Wilson. Un index du Kanjur publié par l'Académie impériale russe de Saint-Pétersbourg en 1845, a été avec une préface de Schmitt. Un mémoire de Schiffner traite des ouvrages de logique et de grammaire incorporés dans le Tanjur. Ces collections furent imprimées par l'ordre Mivang, régent de Lhasa. En 1723 à 46, la première édition fut préparée à Nartang, ville près de Tashilunpo, qui est encore renommée pour ses productions typographiques. Aujourd'hui elle s'imprime dans beaucoup de monastères, mais le papier et l'impression de ses copies, celles du moins qui se vendent à Pékin, sont si mauvais et le texte si plein d'erreurs qu'il est presque impossible de les lire. En tibétain on emploie pour l'impression que les lettres capitales, tibétain, wushan, du moins autant que je le sache, pour les manuscrits les petites lettres, wumed, sont d'un usage fréquent, et selon les nécessités de la main elles sont souvent quelque peu modifiées. Quand on emploie les lettres indiennes pour les sentences sanscrites, on fait usage de l'alphabet Rangja, appelé Lhantsa par les Tibétains, c'est celui avec lequel sont écrits la plupart des anciens livres sanscrits découverts dans le Népal. Cet alphabet Rangja ou Lhantsa, est une variété du Devanagari, il est surtout usité pour écrire en sanscrit les sentences mystiques, Dharani, qui doivent être reproduites sans aucune altération pour conserver leur efficacité. Bien que l'alphabet tibétain ait été adapté à leur reproduction exacte, l'alphabet Rangja est pourtant préféré dans beaucoup de cas. Les livres tibétains sont répandus partout dans l'Asie centrale, à cause de la grande réputation dont jouit tout ce qui vient du Tibet. Le pays d'élection de Padmapani. L'art de l'impression, depuis longtemps connu des Tibétains, qui emploie à cet effet des blocs de bois gravés, a aussi beaucoup aidé à leur extension. Il n'y a pas de monastère bouddhique qui ne possède une série d'ouvrages en langue tibétaine, et le prix que les Kalmouks et les Bourriats paient quelquefois pour les plus sacrés, comme par exemple le Kanjur, s'est élevé en certains cas jusqu'à 200 livres. Beaucoup de livres tibétains, soit originaux soit traductions du sanskrit, sont venus jusqu'en Europe et à Calcutta grâce aux efforts de zèle de Xoma Schilling von Kanstad, Hodgson, de quelques Anglais résidents à Yves Station et des membres de l'ambassade russe à Pékin. La bibliothèque et le musée de l'India Office, si richement pourvus en tous les genres d'objets pratiques ou scientifiques se rapportant à la vie orientale, possède aussi un grand nombre d'ouvrages tibétains importants. On n'en a pourtant publié aucun catalogue jusqu'à présent. Tout le Kanjur et le Tanjur s'y trouvent. Un autre exemplaire de ces deux collections existe dans la bibliothèque de Saint-Pétersbourg, qui possède en outre la plus grande partie des ouvrages importants, écrits sur le bouddhisme en langue tibétaine, mongole ou chinoise. La bibliothèque impériale à Paris n'a que le Kanjur. La Société asiatique du Bengale possède aussi une copie complète du Kanjur. Son édition du Tanjur est incomplète, ou du moins l'était en 1831. Un catalogue des livres tibétains renfermé dans le musée asiatique de l'Académie impériale à Saint-Pétersbourg, comprenant tous les ouvrages réunis jusqu'en 1847, a été publié par Schmidt et Botling. Un appendice de Schieffner indique les derniers livres reçus de Pékin. Un nouveau catalogue détaillé est maintenant en cours de publication. Il fournira sans doute beaucoup de faits intéressants au sujet du bouddhisme et élargira nos connaissances sur la littérature tibétaine en général. Xoma de Koros avait commencé à composer le catalogue détaillé des livres tibétains appartenant à la bibliothèque de la Société asiatique du Bengale. Il fut arrêté par la mort, et je ne crois pas que son œuvre ait été continuée. La langue tibétaine n'a été connue en Europe que dans ces dernières années. Le premier chercheur qui mit la langue tibétaine à la portée des étudiants européens fut Xoma de Koros, zélé et infatigable hongrois de la Transylvanie. Le but de ces longues et laborieuses recherches était de découvrir le berceau des Hongrois, en allemand ou nen, qu'il espérait trouver en Asie. Déçu dans ses tentatives en Asie occidentale, il se retira en 1827 pendant plusieurs mois dans le monastère de Zankar, où il s'adonna à l'étude de la littérature tibétaine. Il parvint presque, malgré beaucoup de difficultés, à compléter un dictionnaire et une grammaire de la langue tibétaine, qui furent publiés, en anglais, à Calcutta en 1832. Plus tard en 1839-1841, Schmidt publia en allemand une autre grammaire et un dictionnaire tibétain, basés probablement sur les ouvrages originaux et les dictionnaires tibétains, mongols et mandchous. Le dictionnaire de Schmidt contient environ 5000 mots et expressions de plus que celui de Xoma. Des remarques grammaticales plus étendues ont été publiées par Schieffner dans les bulletins de Saint-Pétersbourg, et plus récemment par Foucault dans sa grammaire tibétaine. En 1845, Schieffner publia la traduction du grand traité tibétain Tsangloun, Le sage et le fou, avec le texte original. Schieffner publia en 1832 des additions et corrections à l'édition de Schmidt. Foucault le suivit avec une traduction d'Urgia Sherwapa. En plus de ces publications, je dois encore citer les nombreuses et importantes traductions de Schieffner et de Vassiliev. En le questionnant sur une peinture représentant la déesse de Ljang, j'obtins du lama Buraya Gamboji ou un extrait du Mani Kamboum, ancien ouvrage historique dont la paternité est attribuée au roi Srong Tsangampo. Schmidt avait déjà attiré l'attention sur la grande réputation dont jouit cet ouvrage parmi les bouddhistes de la Haute Asie, mais il n'eut pas la bonne fortune de se procurer le Mani Kamboum, 1829, qui n'est que depuis peu parvenu à Saint-Pétersbourg. Jusqu'à présent, nous n'avons qu'un extrait du premier chapitre par Jaring, l'interprète de Pallas. Je donne ici la note rapide de Gombojiu sur le contenu général de cet important ouvrage, quelque courte qu'elle soit, elle pourra du moins fournir une idée de l'un des plus anciens livres historiques de la littérature tibétaine. Analyse du livre Mani Kamboum. Le Mani Kamboum, ce nom a été adouci en Mani Kamboum, ou littéralement Mani Kamboum. 100 000 commandements précieux, contient en 12 chapitres un récit très détaillé des contes légendaires sur les mérites de Padmapani, le propagateur du bouddhisme au Tibet. Il s'y trouve aussi une explication sur l'origine et l'application de la formule sacrée, Om Mani Padme Hum. Quelques événements historiques y sont ajoutés à propos de Srong Tsangampo, qui vécut de 617 à 698 après Jésus-Christ, et ses femmes, ainsi qu'une explication générale des doctrines fondamentales du bouddhisme. Le premier chapitre commence par la description de la région merveilleuse, Sukhavati, tibétain de Vachan, voir chapitre suivant, où Amitabha, tibétain Otpagmed, est assis sur son trône et où il reçoit ceux qui ont mérité la vie de la plus parfaite félicité. Tout à coup Amitabha, après une profonde méditation, fait jaillir de son œil droit un rayon de lumière rouge, de ce rayon naît Padmapani Bodhisattva. D'après la traduction de Pallas, ce rayon est de couleur blanche. Pendant ce temps, de son œil gauche sortait un rayon de lumière bleue, qui s'incarnant dans les vierges d'Olma, en sanskrit Tara, les deux épouses du roi Srong Tsang, avaient le pouvoir d'illuminer les esprits des hommes. Alors Amitabha bénit Padmapani Bodhisattva en lui imposant les mains, et en ce moment, par la vertu de cette bénédiction, celui-ci créa la prière Om Mani Padme Hum. Padmapani fait le vœu solennel d'affranchir de l'existence tous les êtres vivants et de délivrer de leur peine toutes les âmes torturées dans l'enfer, en gage de sa sincérité il ajoute le vœu que sa tête se rompe en 1000 morceaux, s'il ne réussissait point. Pour accomplir son vœu, il se plonge dans une profonde méditation et après être resté quelque temps en contemplation, il regarde, plein de sagesse, dans les diverses divisions de l'enfer, comptant que par la vertu de sa méditation ses habitants seraient montés jusqu'aux plus hautes classes des êtres qui aient jamais existé. Mais qui pourrait décrire son étonnement quand il voit les régions de l'enfer aussi pleines que jamais? La foule des arrivants avait comblé les vides laissés par ceux qui sortaient. Cette vue si terrible et désespérante fut de trop pour l'infortuné Bodhisattva, qui attribuait cette défaillance apparente à la faiblesse de ses méditations. Aussitôt sa tête se rompt en 1000 pièces, il perd connaissance et tombe lourdement sur le sol. Amitabha, profondément ému des douleurs de son malheureux fils, s'empresse à son secours, avec les 1000 morceaux il forme 10 têtes, Et pour le consoler, il assure son fils, dès qu'il a repris ses sens, que le moment n'est pas encore venu de délivrer tous les êtres, mais que son vœu s'accomplira pourtant. Depuis ce moment, Padmapani redoubla ses louables efforts. Ensuite vient une histoire de la création de l'univers et des animaux, les 12 actes, les Dzatpagani, de Sakyamuni sont racontés en détail, avec le récit de la construction d'un palais sur le sommet de la montagne Patala, suivi d'une esquisse de la propagation du bouddhisme depuis son origine jusqu'à la mort de Srongtsen Gampo. Les biographies tibétaines de Sakyamuni sont divisées en 12 parties d'après ces 12 actes. Les voici, il descend de la demeure des dieux. Il entre dans le sein de sa mère. Il naît. Il développe toutes sortes d'arts. Il se marie. Il jouit des plaisirs de l'état de mariage. Il quitte sa maison et prend l'état religieux. Il accomplit des pénitences. Il est vainqueur du diable, ou dieu des plaisirs. Il arrive à la perfection suprême, ou devient Bouddha. Il tourne la route de la loi, ou publie sa doctrine. Il est délivré des peines, ou il meurt. Ses restes sont déposés, dans un charton. Confère Ksoma. Dans le deuxième chapitre, il donne des instructions sur les prières à adresser à Padmapani et énumère les avantages immenses attachés à l'usage fréquent de la prière Om Mani Padme Hum. Une dissertation sur le vide forme la conclusion. Dans le chapitre 3, il donne le sens de la prière Om Mani Padme Hum. Nous y trouvons aussi des remarques sur les diverses représentations de Padmapani, ainsi il y est expliqué pourquoi on le représente tantôt avec 3 visages et 8 mains, tantôt avec 18 faces et 8 mains et quelquefois même avec 1000 visages et autant de mains et de pieds. Ensuite vient le récit de la manière dont Srongtsen Gampo a pris les dogmes du bouddhisme. Comme conclusion, nous remarquons quelques faits particuliers sur la propagation générale du bouddhisme au Tibet et la mission de Thomi Sambhota dans l'Inde. Les chapitres 4 à 8 sont pleins de remarques sur les qualités de Sansara et les statuts moraux et religieux du bouddhisme. L'état d'ignorance du Tibet est déploré. Suit une courte biographie de Padmapani Bodhisattva pendant son existence sous la forme du roi Srongtsen Gampo. Dans un discours en réponse à une question sur les facultés de l'esprit, ce roi établit que le bonheur et le salut dépendent de l'énergie et de la conduite de chacun et que si l'on souhaite briser les fers de Sansara, on le peut par la prière Om Mani Padme Hum, dont le pouvoir est irrésistible. Srongtsen prend sur lui d'interpréter cette prière, il l'enseigne à ses parents et à ses femmes et développe les devoirs que doivent observer ceux qui croient en la vérité des doctrines révélées par le Bouddha. Ces explications sont calculées pour l'usage pratique et se rapportent à des sujets tels que l'ignorance, les péchés, les vertus et leur influence. Au sujet du nombre des prescriptions à observer et des dogmes à croire par les basses classes, voyez les pages suivantes. Dans les chapitres 9 et 10, il rapporte les légendes intimement liées aux doctrines bouddhistes. Le chapitre 11 traite de la fin de la vie de Srongtsen. Dans le chapitre 12, il parle de la traduction des livres sanscrits en tibétain, de la mission de Thomi Sambhota dans l'Inde et de l'alphabet qu'il a tiré du Devanagari. Le Manikambhuma a été traduit en mongol et en tsungarien. La dernière version fut exécutée sur l'ordre de Dalai Khan, au XVIIe siècle, par un lama tsungarien, qui habita plusieurs années à Lhassa et reçut, en raison de cette traduction, l'honorable titre de Pandi. Le Dhyani Bodhisattva Padmapani ou Avalokitesvara, sujet de cet ouvrage, est le plus imploré de tous les dieux, parce qu'il représente Sakyamuni, qu'il est le gardien et le protecteur de la religion jusqu'à l'apparition du Bouddha futur Maitreya et qu'il protège particulièrement le Tibet. Afin de montrer aux Tibétains le chemin de la félicité suprême, il se plaît, disent-ils, à se manifester d'âge en âge sous la forme humaine. Il croit que sa descente et son incarnation dans le Dalai Lama a lieu par l'émission d'un rayon de lumière et que finalement il naîtra au Tibet comme très parfait Bouddha et non dans l'Inde où ses prédécesseurs ont apparu. Padmapani a beaucoup de noms dans les livres sacrés et il est représenté sous diverses figures. Le plus souvent on le prit sous le nom de Chandrasi ou plus exactement Chandrasi Vanshug, le puissant qui regarde avec les yeux, en sanskrit Avalokitesvara. À ce nom, aussi bien qu'à celui de Phagpa Chandrasi, en sanskrit Argavalokita, ou Shukshizal, celui qui a 11 visages, correspondent les images qui le représentent avec 11 faces et 8 mains. Les 11 visages forment une pyramide et sont placés sur 4 rangs. Chaque série de têtes a un teint différent, les 3 faces qui reposent sur le cou sont blanches, les 3 autres jaunes, les 3 suivantes rouges, la 10e est bleue et la 11e, le visage d'Amitabha, est rouge. Cette disposition se trouve dans toutes les images tibétaines et mongoles que j'ai pu examiner, mais dans les images japonaises du Nippon Panthéon les 11 visages sont beaucoup plus petits et arrangés en forme de couronne. Le centre est formé de 2 figures complètes, la plus basse est assise, l'autre est droite au-dessus. 10 têtes plus petites sont combinées avec ces 2 figures dans une sorte de disposition rayonnante, 6 reposent immédiatement sur le front, les 4 autres forment une seconde rangée au-dessus d'elles. Sous la forme de chaque tonne corlo, le cercle aux 1000 mains, ou, comme Tugdje Champo Shukshigzal, le grand miséricordieux qui a 11 visages, il a aussi 11 faces, avec 1 millier de mains. Comme chaque Zipa, qui a 4 bras, il est représenté avec une tête et 4 bras, 2 sont croisés, le 3e tient une fleur de lotus, le 4e un rosaire ou un lacet. Comme chaque Napanma Karpo, en sanskrit Padmapani, qui tient à la main un lotus blanc, il a 2 bras, l'un de tient un lotus, on l'appelle Chantong, qui a 1000 yeux, parce qu'il possède l'œil de sagesse sur la paume de ses 1000 mains. Le nom Jikten Gompo, en sanskrit Lokapati ou Lokanata, seigneur du monde, protecteur, sauveur, est une allusion à son pouvoir de délivrer des péchés et de protéger contre toutes sortes de maux. Markandanarchive.org 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.